c'est la vodka, nous à vodka. Vodka. Du soir au matin, nous casse la tête, mec. Le niveau, le degré ne fait toujours qu'augmenter. La vodka nous a pris de part en part, ouais. C'est la vodka, nous a vodka. Du soir au matin nous casse la tête, mec. Attention, chaud la tête, mec, ce soir c'est trop la fête. Laisse encore trop d'histoire, soit quoi, c'est vodka. La vodka nous a vodka. Mène d'oraidas, arraché, fly. Soirée troutie, tu vois les bails. La chaleur s'installe. Trop d'ail, on sent mal, on prend le mic, on s'emballe. On sent plus savoir quoi manger. Seul problème reste à savoir quoi teaser. Rhum ou vodka, c'est fort ça, c'est forcé. Constater que c'est corsé. C'est la vodka, nous a vodka. Du soir au matin nous casse la tête, mec. C'est la vodka, nous a vodka. Du soir au matin nous casse la tête. Aborder la vodka vécue. Tel un avocat, pour vocation la provocation. Et vêtu d'une arme inhibée, aussi proche que le soleil est à 40 degrés. La vodka, aux vertus d'ouvrir l'esprit et d'éclater comme le Tchernobyl. C'est la vodka, nous a vodka. Du soir au matin nous casse la tête, mais... Hey, écoutez chaud la voix, comme la vodka nous monte la voix. Ouais, c'est le cas encore une fois, trois temps toutes les fois. Encore trop guidé, dur d'ingurgité. Et même à éviter, la longévité. La fondée, on a beau méditer, mais on ne sait rien à foutre, frère, ça moi un rebé. Qu'est-ce que tu veux faire, on est déjà condamné. Ah t'inquiète, laisse, t'as pas fini de planer. Les minutes passent en quelques secondes. Comme on est en bas du clair au second, l'inconscient prend rapport sur le conscient. Avec quelques verres, je fais des bons poissons, toujours accompagné de glaçons. C'est la vodka, nous a vodka. Du soir au matin, nous casse la tête, mec. C'est la vodka, nous a vodka. C'est la vodka, nous a vodka.